prend des mesures drastiques. Comment rester statique quand on sait que le racisme est devenu chose classique? C'est la France des castings qui choisit l'immigration et nous classe type parti pour nous envoyer au casse-pipe. Ils veulent faire passer la pilule sous forme d'ecstasy pour rayer de notre esprit l'histoire de la prise de la Bastille. Du coup tout s'embrasse vite, la jeunesse aspire à un avenir meilleur pour elle car marre de voir ses places vides. Imagine que serait la France sans l'odeur du tagine, c'est la couleur de l'Afrique et puis c'est l'étoile de David. Dire qu'il y a de nos jours des gens qui nous déracinent, des haineux qui nous détestent parce qu'on n'a pas les mêmes racines. Est-ce bon d'être raciste? Est-ce bon de boire un étranger à terre se fait ruer tout sans que personne ne l'assiste? Et si, j'insiste ainsi, c'est parce qu'ici trop de gens pensent que le racisme est un mot invincible. On a constamment servi de cible pour ces gens qui passent en hôtel. Je vois les âmes sensibles et je reste pensif, expressif de façon à ce que mes propos soient toujours sensés. Pour avancer dans ce pays où certains pensent que la France n'est qu'aux Français, offensé de savoir que beaucoup peuvent le penser. J'en sais quelque chose, c'est pour ça que j'ose dire que l'étranger aujourd'hui représente juste quelque chose comme du bétail, loin d'être un détail. Je rappe pour dire qu'on est loin d'avoir gagné la bataille. Y'a comme une ambiance électrique, une atmosphère fluente. Quand c'est France électrique, on nous donne rien d'autre qu'une nuance. Moi je suis de cette type, classe parmi les prenants. On passe ses peu critiques, et on s'est des peu influents. Comme une ambiance électrique, une atmosphère fluente. Quand c'est France électrique, on nous donne rien d'autre qu'une nuance. Moi je suis de cette type, classe parmi les prenants. On passe ses peu critiques, et on s'est des peu influents. Ici pas de rap, de l'opéra, non mais des rois de l'apéro. Pas de pain au chocolat, des putains de corps en peine de monde. Ici la brique, le vent d'automne et ma tabion. Dans cette ambiance bordélique, mon accent se découpe au couteau. Je suis la hic et allergique à tout en clos. Cette France arithmétique, je vomis sur les capitaux. Je suis toxique quand il faut être placebo. Et dans l'impôt, je suis critique, je me méfie des portraits robots. Je suis l'éthique et l'hermétique dans mes propos. Je vis hip hop, boss, musique et fais saturer les niveaux. Y'a pas de logique, ici parle pas de périphérique. Y'a pas une malveillance humaine dans mon usine pétrochimique. Y'a pas de chirurgie plastique quand il s'agit de sauver sa peau. Pas coup de baguette magique qui nous fasse gagner au loto. Ici, pas de pensée unique, faire des idées, pas des idiots. Quand le monde s'ouvre en quelques clics, chacun se conforte dans son huis clos. L'ambiance électrique. Non, mais c'est pas. Y'a comme une ambiance électrique, une atmosphère puante. Dans cette France électrique, nous sommes rien d'autre qu'une nuance. Moi c'est le fils du cas sous les dansants. Aux éclats policiers, on réveille au bureau. Y'a comme une ambiance électrique, une atmosphère puante. Dans cette France électrique, nous sommes rien d'autre qu'une nuance. Moi c'est le fils du cas sous les dansants. Aux éclats policiers, on réveille au bureau. Ils nous promettent le ciel, mais on a les pieds sur terre. Essayant tant bien que mal de recracher leur somnifère. Ils ont ce goût d'obscurantisme et cette odeur de soufre qui nous pousse au fanatisme. Entends-les, y'a pas de débat, y'a pas d'idée. Propagande télévisée, les urnes vont décider. Mais le pouvoir ne siège plus à l'Elysée, mais dans les mains de ceux qui ont l'histoire à réviser. Cynique face au profit comme l'industrie pharmaceutique, à l'abri de tout coup dur, muni d'un flingue en plastique. La peur m'a dit, j'ai accompli mon labeur. Le point de non-retour a disparu de vos rétroviseurs. J'ai répondu qu'on n'avait plus rien à faire. Si ça devait porter bonheur d'avoir les deux pieds dans la mer. Ni insolent, ni acerbe, ni content, les deux doigts dans la prise. Je préfère prendre les devants. Ils nous nourrissent de faux semblants, mais fait-on preuve de gourmandise? Et l'espoir, qui est-ce qui nous le vend au moment de lâcher prise? Y'a comme une ambiance électrique, une atmosphère puante. Dans cette France électrique, nous ne sommes rien d'autre qu'une nuance. Moi c'est le ski, avec ma dégaine de mutant. J'emmerde leurs bénéfices et la chance du débutant. Y'a comme une ambiance électrique, une atmosphère puante. Dans cette France électrique, nous ne sommes rien d'autre qu'une nuance. Moi c'est le ski, avec ma dégaine de mutant. J'emmerde leurs bénéfices et la chance du débutant. La vie est une manif, la France une vitre et moi un pavé. La vie est une manif, la France une vitre et moi un pavé. Faut-il encore que le... Faut-il encore que le... Faut-il encore que le sang coupe.